Bonjour, bonjour, vous êtes bien toujours sur Radio Libertaire. Je viens de me faire engueuler hors micro parce que mon générique était trop long par Florentine. Et oui, vous savez, elle est comme ça. N'importe quoi. Mais mais il y a combien de temps générique ? Donc, Florentine, que je remercie, mais vous le savez, encore une fois ce mois-ci, parce que je pense que l'émission n'aurait pas eu lieu encore une fois si elle ne m'avait pas engueulé tous les jours en disant « Mais bon, on fait quoi finalement pour Bulle de Rêve ce mois-ci » Donc, merci à elle. On va faire ce mois-ci à Bulle de Rêve, j'ai pas dit le numéro du studio. 01 43 71 89 40. Wow. Et donc voilà, donc ça c'est si jamais vous avez quelque chose à nous dire, vous n'hésitez pas. Radio Libertaire, Bulle de Rêve, l'émission 100% animation. On va parler de, vous êtes peut-être au courant, il y a un petit festival qui est en train de se tenir en ce moment, dont on parlait un petit peu. Deux choses sont quasiment absentes de ce festival. Le cinéma image par image, celui qu'on aime ici. Trois longs métrages, je crois, hors compétition, quatre maintenant, puisque le magasin des suicides a été rajouté au dernier moment. Sinon, il y a King of Pigs, film coréen, Ernest et Célestine, de Benjamin Reiner, co-aidé par Patard et Aubier. C'est une des seules émissions où on dira Benjamin Reiner d'abord, co-aidé par Patard et Aubier, la plus grande. Patard et Aubier avec le petit jeune, là, on a oublié le nom. Non, je caricature, mais quand même. Et Madagascar 3, dont évidemment vous avez. Florentine attend avec impatience la sortie dans les salles. Donc voilà, donc y en a très très peu. Il y a quelques courts-métrages, mais le court-métrage des réalisateurs de donc Lansac et Le Roi. Bao. Je sais plus comment s'appelle. Voilà, qui est en compétition. Fleuve rouge, tout à fait. Il y a le film de Pavlatova qui est aussi en compétition et un truc infâme qui s'appelle Slung Invasion, un film d'étudiant danois avec des trucs limaces, enfin absolument horribles, qui n'a aucun intérêt. Mais bon, ouais, c'est les sélectionneurs canois, ils ne sont pas forcément très bons à ça. Et donc, nous, on va parler de ça. Et vous avez peut-être entendu parler, dans la sélection officielle, aucun film de femme cette année. C'est très drôle parce que le responsable du festival, Thierry Fremaud, a dit, quand on lui a dit, mais il n'y a quand même aucun film de femme, il a dit, ben oui, mais ce n'est pas notre problème. Moi, je suis pour qu'il y ait le plus de films de femmes, mais c'est plutôt aux autres déjà, aux producteurs qu'il faut faire des efforts. On ne va pas quand même prendre un film juste parce qu'il a été réalisé par une femme. Voilà, s'il est mauvais, il n'y a aucune raison qu'il soit dans le festival de Cannes. J'ai du mal à croire que sur un an de production, il n'y ait que des hommes qui ont fait des bons films, surtout visiblement par rapport aux critiques qu'on peut avoir sur, je sais pas, sur La Route ou des choses comme ça. Je pense qu'il y avait largement de quoi faire et c'est plutôt l'espèce de facilité du festival cannois, en tout cas la sélection officielle, de prendre un peu ceux qui sont bankable et ceux qu'on connaît bien et que voilà, donc on sait que leurs noms vont plaire. Donc nous, on va faire à l'inverse, on va parler donc d'animation et de femmes avec un plateau incroyable voilà, autour de moi. On va commencer, même si elle ne veut pas, mais elle va juste dire bonjour, donc pour l'instant ça va, par Momo Cosetto, bonjour. Bonjour. Qui va nous parler, qui a fait déjà deux films, elle en fait beaucoup plus que ça, mais dans Planète A et Planète Z, quand j'ai bien tourné, puisque Planète Z était, attention, en sélection officielle à la Berlinale, c'est pas rien, c'est un des quatre gros festivals de cinéma, donc elle va nous raconter ça. J'allais le dire Juliette Marchand, mais non, Juliette n'est pas là. Je ne sais pas encore, elle peut arriver. Elle peut arriver d'un moment à un autre, donc Juliette Marchand qui a fait un film érotique. Tempête dans une chambre à coucher et qu'a fait l'ENSAD. On ne sait pas, peut-être qu'elle va venir. Claire, alors évidemment, c'est le truc que j'aurais dû te le demander avant. On dit Sichet. Claire Sichet. Bonjour. Donc, on peut t'entendre. Qui, elle, a fait La Poudrière, qui va nous parler de son travail. Plutôt de fin d'études. Et puis, on va voir aujourd'hui ce qu'elle fait. Et on a déjà, même s'il n'y a pas grand. Énormément d'âges de différence. On a déjà la relève avec Charlotte Cambon. Bonjour. Bonjour. Qui, elle, est au Gobelin pour l'instant, qui finit les Gobelins. Merci d'être là, alors qu'elle, normalement, elle devrait être en train de travailler. Oui, j'ai laissé mes feuilles sur ma table et je suis venue là. Et puis après, j'y retourne. Et après, j'y retourne. Bon, donc, merci d'être là et qui, l'année prochaine, partira à la Poudrière. Et voilà, on en parlera aussi avec elle. Et bien sûr, quand même, parce que, mine de rien, c'est quand même une réalisatrice. Florentine. Rebonjour. Voilà, qui n'était pas au courant, mais qui, bien sûr, va nous parler de la problématique, s'il y en a une, j'en sais rien, homme-femme. Petite chose, allez, vous avez entendu au début cette émission, vous allez me permettre, de la dédier à quelqu'un qui est parti trop tôt, qui s'appelle Olivier, voilà, qui était quelqu'un d'important pour moi, et toute la musique autour de l'émission va lui être dédiée. Vous avez entendu en générique la musique de Escape from New York, New York 1997 en français, réalisée par John Carpenter, et on va de suite enchaîner avant de revenir pour faire l'agenda sur un autre titre, pour juste qu'on se... voilà, qui s'appelle... J'ai même pas besoin de dire ce que c'est, et c'est un film très important pour moi, pour lui, donc voilà, on écoute ça. Nicolas, dis-moi, c'est quoi le terme déjà quand on dit, quand on est censé là, quand on reprend l'antenne, dire ce qu'on vient d'écouter? On désannonce un truc, hein, voilà, le mot technique quand même, qu'au bout de 6 ans de radio, que je commence à avoir des noms techniques un peu comme dans mes cours, j'essaie d'avoir des. Pour qu'on comprenne au sérieux. Donc, pour désannoncer ça, il n'y a même pas besoin, parce que normalement vous avez tous reconnu, c'est Ennio Morricone, bien sûr, et c'est L'étude faite dans l'Ouest, le grand film de Sergio Leone. Alors. On commence l'agenda. L'agenda par Alexis, pour me donner des remords de plus le faire. T'exagères. Donc, en fait, je vais tout vous avouer, j'ai pris l'agenda de l'AFCA. Comme le mois dernier. Comme le mois dernier, sauf que là, je l'ai imprimé. Et donc, je vais vous dire ce qui est vraiment important. Ce qui est vraiment important, c'est du 4 au 9 juin, le vrai festival de cinéma, qui se situe à Annecy, ou autour de la table, qui sera Claire Totiva, ouais. Charlotte. Ouais, pareil. Momoko, non. Non. Parce que malheureusement, le film n'est pas en sélection. On va en reparler. Et Florentine y va. Quelques jours. Quand même, parce qu'elle ne peut pas faire autrement que de ne pas y aller. Donc, 4-9 juin, si vous avez l'occasion d'aller à Annecy. Sinon, reprise le 23 et 24 juin au Forum des Images à Paris pour avoir un peu le meilleur avec le palmarès. Parce que pas forcément le meilleur, d'ailleurs, le palmarès, loin de là, mais bon. Bah non, attends, c'est quoi déjà l'année dernière, le Grand Prix ? C'était Pixel. Oui, je n'osais pas le redire. En fait. Ouais, donc, le mieux, c'est quand même de venir à Annecy, parce que bon, pour voir Pixel, mais bon. Voilà, on va arrêter parce qu'après, donc les conférences organisées, il y a plein de choses. Voilà, qu'est-ce que j'ai retenu de bien ? Il fallait que je cite, parce qu'il faut que je cite toujours Franck Dion. Franck sera le mardi, je crois, ou le mercredi, avec Regina Pessoa, qui présente son nouveau film, et ils seront dans une rencontre avec Julie Roy, qui est la responsable de l'ONF, et donc voilà, ils feront une rencontre. Voilà, je l'ai fait. Quoi d'autre ? Un festival, les enfants font leur cinéma, au cinéma Trianon, à Romainville. C'est du 2 au 24 juin, je fais ça vraiment moins bien que Florentine. Du 2 au 24 juin à Romainville, Seine-Saint-Denis. Cinéma de Trianon. Ah, si, ça c'est super bien. Même si on nous a annoncé que malheureusement c'était peut-être la dernière édition. Édition de Plein la Bobine. À la Bourboule, on avait parlé ici même du fait que le festival n'avait plus d'argent. Et c'est dommage parce que Florentine avait beaucoup aimé. Oui, non, c'est un très très chouette festival. Alors tous les réalisateurs qui y vont en gardent un très bon souvenir. C'est très pointu, c'est pour un festival jeune public. Alors il y a animation, prise de vue réelle, il y a de tout. Mais c'est très pointu et c'est pas jeune public pour enfin, des dessins animés ou choses pour enfants en basique. Là, il y a vraiment un suivi, il y a une programmation intéressante et c'est vraiment dommage que ça s'arrête. Bon, alors puisque peut-être la princesse de Clèves est revenue peut-être au gouvernement, en tout cas on retrouve peut-être un peu de culture, j'en sais rien. Ça peut être pas mal de faire quelque chose sur Plein la Bobine. Ça, j'en parle pas. Ah si, peut-être parce que t'es nominée, je suis obligée d'en parler. Oui. Ouais, hein. Sinon, j'en aurais pas parlé, mais bon, faut que j'en parle. Alors, la 15e nuit des lutins. Très important. Très important. Cette soirée est réservée aux personnes invitées. Rien que cette phrase, c'est horrible. Donc, très important, la 15e nuit des lutins. Moko, en fait, c'est l'espèce de César pour le court-métrage. Et Planète Z est nominé en animation. En animation. Ouais, parce qu'il y a quelques, il y a des trucs qui sont mis dans un coin, c'est le festival d'animation. Allez, j'arrête, promis. Ensuite, le festival du film Merveilleux Imaginaire, puisqu'en plus, vous aurez l'occasion d'y voir Sommeil Paradoxal, c'est ça ? Oui, c'est ça. T'es pas obligé de me citer à chaque coin de l'agenda. Mais pas du tout, j'ai cité Momoko et je cite, voilà, c'est du 28 au 30 juin. Et vous pourrez, lors des prochains vendredis Croc Anime, le 1er juin, en fait, avoir un petit aperçu, une présentation du festival avec Bénédicte Beaujois et Maureen Gerby, et donc du festival. Et les deux vous parleront un petit peu. Donc c'est le 1er juin de 20h à 22h30, donc les vendredis de Croc Anime et le festival du film Merveilleux et de l'imaginaire du 28 au 30 juin 2012. Maurice Ravel dans le 12e. Mini atelier d'animation pour enfants, ok. Formation professionnelle, ok. Joli cours en mai. C'est pas mal, j'aime bien faire l'agenda comme ça. Alors, hop, on passe. Les ciné-citoyens, avec une projection, donc c'est dans le 19e, avec une projection des triplettes de Belleville, en entrée gratuite. 7 juin à 19h30 au centre d'animation Place des Fêtes. Alors vous avez peut-être entendu parler, il va y avoir visiblement une préquelle, comme on dit, de la triplette de Belleville, reproduite toujours par Didier Brunner des armateurs. Et c'est, en fait, on suivrait le passé des triplettes en elles-mêmes, voilà, pour savoir un peu leur passé. Ensuite, on a un film intéressant que j'ai toujours pas vu, Couleur de pommiel, avec présence d'un des co-réalisateurs, Jung, au cinéma, le festival à Bègle, en Gironde. Couleur de pommiel, il sort la semaine prochaine. Il sort le 6 juin. Le 6 juin. Oui. C'est un film qui est... Enfin, moi, j'ai pas vu. J'ai vu pour l'instant une bande-annonce uniquement, quelques extraits, qui en fait raconte, donc est tiré d'une bande dessinée de Jung et qui raconte l'histoire d'un petit garçon coréen qui est abandonné, qui va arriver en Belgique, et c'est son histoire et avec toute sa problématique. Donc, on va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, c'est intéressant. Et le studio d'Ursuline, eux invitent le réalisateur réellement. Jung a été réalisateur, mais il a pas fait d'animation. Laurent Boileau, et c'est le mercredi 13 juin à 14h, donc ça sera une semaine après. La sortie, mais bon, une bonne occasion de le voir avec avec le réalisateur. Projection de court-métrage animé sur le thème du polar le jeudi 24 mai à 20h30 à la Jetée. C'est passé ? Non ? Ouais. C'est passé, hein ? Oui, oui. Merci. partie de... Voilà. Projection de court-métrage... Ouais, sans... Ah non, pardon, faut que j'en parle. Projection des courts-métrages présélectionnés pour le César de l'animation 2012, jeudi 31 mai à 20h30, au centre des 26 couleurs à Saint-Fargeau-Pontierry, Seine-et-Marne, avec... J'y serai. Et en plus, voilà, ma Mogo y sera, donc une bonne occasion de lui parler directement, et avec... Et Benjamin Renner ouais, qui sera là aussi, voilà, tout simplement, pour parler donc de son premier court-métrage, La queue de la souris, et de son seul, d'ailleurs. Son deuxième. Est-ce qu'on ouais. C'est un exercice, mais. Ouais, on sent qu'elle fait bientôt la poudrière, Charlotte. Ouais. Et donc, d'un seul on coup, c'est. On considère tous les exercices comme des films. C'est vrai. Est-ce que donc, le plan tut, on en reparlera. Ouais. Donc, pour son deuxième, allez, film, La queue de la souris. Et ils en parleront, donc, à aller voir. Donc, jeudi 31 mai, 20h30, au centre des 26 couleurs à Saint-Fargeau-Pontierry, en Seine-et-Marne. Ça c'est pas intéressant, ça c'est évidemment intéressant, du 27 au 10 juillet au Kinociné à Lille, ceux qui ne l'ont pas encore vu doivent se précipiter voir le Alice de Jan Schwankmeyer qui sera diffusé donc du 27 juin au 10 juillet au Kinociné, il passe un film avant mais j'en parle pas, donc Kinociné 27 juin à 10 juillet pour tous ceux qui sont à Lille, allez voir Alice de Schwankmeyer. Tant que vous n'avez pas vu Alice, vous savez pas ce que c'est que le cinéma. T'allais dire quelque chose, Valentine. Momoko, apparemment, ne l'a pas vue. Elle fait une tête bizarre. Que... Pas besoin de me démontrer. Ça, c'est vraiment pas sympa, tu m'étonnes. Maintenant, je fais discrètement. Mais... Parce que l'idée, c'est un peu comme... vous savez, il y a des choses qui se disent aux gobelins. Je ne sais pas si c'est vrai, d'ailleurs. Il y a un jury gentil, un jury méchant, soi-disant. Non, mais en fait, je pense que c'est vraiment une légende pour que les gens croient en arrivant en leur disant « Oui, je suis le jury gentil, bonjour. » Donc... Peut-être que c'est une manière de les détendre aussi. D'accord. Je pense aussi. Mais... Parce que moi, j'ai des questions gentilles, des questions méchantes. Ah. Et donc là, Momoko vient d'avoir les questions méchantes grâce à Jan Schwankmeyer. En fait, elle va avoir que les... Donc, c'est une légende. Bon. Enfin, pour moi, c'est une légende. Ouais. D'accord. La Poudrière, c'est pas une légende. De toute façon, il n'y en a qu'un. Ouais. Donc, il n'y a pas de problème par rapport mais à ça. Mais ils changent chaque année. Ou en fait, toujours Laurent Pouvaret, Annick Teninge qui sont là. Mais il y a d'autres personnes qui sont invitées dans le jury. C'est vrai. Bon, on va en parler. Les aventures du prince Ahmed par Intermezzo, c'est dans le cadre du festival Arsenic Cinéma et Plaisir dans l'Isère. C'est intéressant pour ceux qui sont en Isère. Évidemment, les aventures du prince Ahmed, on va en parler puisque c'est le premier long métrage d'animation au monde. Alors, c'est pas vraiment, il y en a eu un qui a été fait avant, mais toutes les copies ont été détruites, donc on sait pas. Et c'est une femme qui l'a réalisé. On va voir pourquoi c'est quasiment. Voilà, le premier film d'animation a été fait par une femme et que depuis, en long métrage, c'est... Ben voilà, on n'arrive même pas à en dire. Vous avez jusqu'au 30 juin pour envoyer vos films pour le festival Croc Anime. Il y a de l'argent à gagner, donc allez-y. Le Grand Prix a maintenant combien 500 euros ou 50 euros enfin, c'est de l'argent. Euros, ouais, c'est au moins 1000 euros, il me semble. Bon, comme on ne l'a pas annoncé, Sylvie ne va pas nous appeler pour nous dire. Mais voilà, en tout cas, il y a une somme. Donc bon, ça vaut le coup, allez-y. Et en plus, les trucs. Évidemment, je ne parlerai pas de l'autre, des marchands d'armes. On en a déjà parlé la dernière fois. Vous savez ce que j'en pense du La Bourse, Lagardère, même si je sais qu'ils donnent beaucoup d'argent, blablabla. Forum Cartoon, Musée de la BD Angoulême. Ça, c'est dans le truc de l'AFCA. Je suis pas responsable. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je ne suis pas responsable. Des Show là-bas. L'Expo. Un truc sur Zep, pardon. Bon, on passe. Ah, voilà encore l'anime. J'avance vite, hein, il n'y a plus que 3 pages. Court-circuit sur Arte le 8 juin. Alors là, vous notez par contre, 23h38, le 8 juin. C'est quand même assez exceptionnel d'avoir encore des enfin, c'est la seule d'ailleurs. Bah, d'ailleurs, les cours, j'étais passé dans le court-circuit. Ouais. On en reparlera d'ailleurs parce que... Il y a plein de choses à reparler, vous avez vu tout ce que je mets pour tout à l'heure. Spécial Festival International d'Annecy. Alors c'est bien parce qu'en plus c'est le 8 juin, donc pour une fois ils le font après le festival, ce qui fait qu'à la fois et les festivaliers pourront quand même en rentrant revoir ou enregistrer. Vous aurez, il y a du bon monde, hein. Il y a Edmond était un âne de Franck Dion, Bao de Sandra Desmazières, Kali de Regina Pessoa, Bidlo, je ne sais pas comment on prononce, de Patrick Bouchard et Chaise de Andrian Lockman. Ouais. Il y a quasiment que du beau monde, et c'est vraiment à voir. Vous avez Making of aussi de Edmond était un âne et de Bao de Sandra Desmazières, qui est absolument la bienvenue aussi autour de cette table quand elle veut. Voilà, c'est redit, on l'a déjà approché plusieurs fois pour qu'elle vienne. Je sais qu'elle est un peu timide, mais vous allez voir, à la fin, tout le monde ici va nous dire à quel point c'est génial, boucle de rêve et que c'est super facile. Donc qu'elle n'hésite pas à venir. Alors vous voyez, Arte, c'est ça. Donc Franck Dion, Sandra Desmazières, Regina Pessoa, et Micro Ciné sur Canal+, et Les Yeux de la Tête, Pierre Mousquet, Jérôme Coq, un truc un peu lourdingue. Mais voilà, je devrais pas le dire. Tu devrais m'empêcher de dire des choses comme ça. Après, je me fais engueuler par les producteurs. Enfin, ça. Morning Stroll, bon, qui est sympathique, mais studio à Cannes, hein, ça dirait à personne. Nominé, je crois, aux Oscars cette année. Et Le Monstre de Nyx de Rostow. Plum Pudding, voilà, là on est vraiment, mais bon. Bulle de rêve, date à venir, voir le site. Ah, c'est nous ça. Je vous dis déjà que... c'est quand la prochaine émission, Alexis? Le 23. Très bien, et je note. Et le 30 juin. Vous nous aurez 2 semaines de suite avec, normalement, j'espère, ben, Franck Dion sera là et puis plein de gens peut-être d'Annecy. J'aimerais bien récupérer la personne du CNC aussi, voilà. Ceux qui seront à Annecy d'ailleurs, n'hésitez pas à venir. Je me fais de la pub. Deux secondes, je me fais de la pub. J'animerai des rencontres du mardi au vendredi avec plein de gens. Je vais montrer des films qui ne sont pas sélectionnés. Je vais montrer, voilà, on aura plein de choses. Et le premier jour, la conférence est avec et sur les écoles. On aura, j'espère, on aura des films d'une minute de La Poudrière de cette année, notamment le film de Marine Blin que vous avez normalement déjà entendu ici. Et il y aura Yann Volzy, en fait, qui fait la musique et viendra nous parler aussi de son travail, aussi bien sur le film de Marine Blin que sur le film de Chen Chen, m'échapper de son regard, donc voilà, on parlera de tout ça, plus des gens des gobelins, plus voilà, j'allais dire peut-être Charlotte, mais non, elle arrive trop tard, on aura ça, le mercredi, un spécial Japon, à pas louper si vous êtes à Annecy, avec notamment des choses assez rares de Yamamura Koji, dont on a beaucoup parlé ici, des films qui sont quasiment jamais sortis du Japon, sauf pour ce qu'il avait fait à Fontevraud, je regarde l'heure, oui, je me dépêche. Fontevraud, et j'espère des petites merveilles de Kunio Kato, le restaurateur de la maison en petit cube, j'ai demandé peut-être de pouvoir diffuser ça, c'est assez exceptionnel, c'est quelque chose qu'il a fait pour des expos, je sais pas si je pourrais, mais donc on va avoir des choses assez belles, et puis là il part dans un sens complètement différent. C'est des petites choses. Tu les avais vues à Beaubourg. Voilà. Hein, donc, on espère tout ce qui va continuer. Ouais. Il y a une espèce de liberté qu'il a pris d'un seul coup par rapport à son style et ça donne vraiment envie. On espère qu'il va continuer dans cette sens-là. Théodore Ruchef sera là pour parler pendant 1 heure de son travail. Je recevrai aussi Franck Dion, encore lui. Et il y aura aussi toute une heure avec Jean-François Leguioni pour son nouveau film Le Tableau. Et le dernier jour, c'est pour ça que j'en parle, ça me vient en tête, on parlera avec Morad Kertobi notamment, du comment on finance aujourd'hui un court-métrage en France. On va en parler tout à l'heure, mais voilà, qui est l'une des grandes problématiques. Il y a de plus en plus de gens qui veulent faire des courts-métrages. Il y a toujours le même argent, il n'y en a pas plus. Comment quelqu'un comme Morad Kertobi, voilà, qui est l'un des responsables au CNC justement de ces aides pour l'animation, il va nous expliquer un petit peu. Il y aura Olivier Catrin, que vous connaissez bien, producteur, qui lui aussi nous expliquera. Et on va essayer de comprendre un petit peu comment aujourd'hui on peut, comment on peut réaliser un court-métrage en France. Sortie ciné, allez, on finit l'agenda. Couleur de peau, miel, donc c'est le 6 juin. Alors bon, on m'a dit que Madagascar 3 était bien. Parce que vous voulez que je vous dise, donc je suis obligé de dire Madagascar 3 paraît-il bien. Il a été montré à Cannes et tout le monde paraît-il sortait de la salle en disant ça va être ridicule, on va aller le voir et haha. Et paraît-il qu'il est rigolo. Bon voilà, ça reste hein, ce que c'est. Et L'Âge de glace 4. Voilà, on sent le hein, l'assistance. Ouais, la créativité quand même. Hein. Madagascar 3, L'Âge de glace 4, Cars 2, enfin voilà tout ça. L'Âge de glace 4, où il y aura normalement, alors je sais pas si en France il y aura la même chose, parce que 27 juin, un court-métrage avec Maggie Simpson, le bébé, c'est ça, hein, je me plante pas d'un seul coup, en relief, voilà, qui devrait être fait en même temps. Et sortie DVD, très bien, Goodbye Mr. Christie de Film L'Oeil, avec une rencontre chez Potemkin 2D avec des distributions le jeudi 7 juin à 19h. Par contre, ça c'est pas malin, puisque c'est en plein milieu de... d'Annecy. On finit par deux petites choses, la sortie du livre DVD Bisque la vraie. On en a parlé, Émilie est venue plusieurs fois ici, elle nous en a parlé. Un livre est sorti aux éditions, les éditions sûrement des Films du Nord, et il y aura le samedi 23 juin à 16h à Lille. Présentation du livret DVD avec Nicolas Ligori, l'histoire du petit Paolo, et Bisque la vraie d'Émilie Mercier. Les deux seront présents. Dialogue théâtre, 34 rue de la Clé à Lille. C'est le 23 juin à 16h. Et le lendemain, Émilie sera à la librairie des Lisières, donc à Roubaix. On va finir cet agenda. Et avant de passer à... encore, je sais, oui, une très légère coupe musicale. Beaucoup de coupures musicales, je sais bien que souvent vous dites on parle beaucoup, donc on fait plein de coupures musicales maintenant, bref, mais voilà. Cette dernière, on va passer à quelque chose d'important. Florentine, je vais te laisser en parler. Je crois que tu as noté, malheureusement, on n'en a pas parlé ici parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais il y a une jeune réalisatrice qui est morte beaucoup trop tôt, qui est Anor Totaro, et qui, les gens qui ont travaillé avec elle, ses amis, ont décidé de monter un livre pour justement parler de son travail. Un recueil de dessins et de peintures qu'ils ont sélectionnés. Donc il y a à peu près, 90 dessins, et donc ce sera édité dans un livre de 80 pages qui serait vendu aux alentours de 20 euros. Et en fait, ils ont commencé à envoyer des mails pour savoir si certaines personnes voulaient réserver pour soutenir le projet, pour qu'ils puissent commencer à avoir un budget pour faire le livre. Donc C'est un projet intéressant qu'il faut soutenir. En tout cas, les dessins sont très beaux. Il y a un blog sur lequel on peut retrouver quelques-uns des dessins pour voir un peu. C'est en noir et blanc. C'est comme le dernier film Mémoire fossile, donc de Anne-Laure Totaro. Et le mail, donc c'est livre.annelaure@gmail.com. Donc c'est le mail pour pouvoir réserver le livre. Et qui va voir le jour très rapidement. Voilà. Donc c'est important, non pas parce que, soyons clairs, uniquement Anor Totaro est parti trop tôt, comme on dit dans ces cas-là, même si évidemment il faut continuer de justement, ce livre peut continuer, mais c'est quelqu'un d'un grand talent, et les films sont vraiment très beaux, et c'est quelqu'un qui travaille au charbon, enfin qui travaille, donc voilà, ça c'est important pour les deux, pour à la fois la mémoire et continuer, puis à la fois voir continuer à avoir un travail important. Voilà, donc on va faire une nouvelle petite coupe musicale. On continue dans cette plongée assez personnelle, mais avec un... Allez, vous allez reconnaître aussi, pour ceux d'entre vous, on passe, vous entendez beaucoup... C'est peut-être une chanson que Nicolas a peut-être passée. En tout cas, c'est un chanteur avec un accent particulier. Vous allez entendre. Et, donc moi, je faisais des combats de boxe sur cette chanson. Donc avec donc, mon cousin, et donc voilà, donc on écoute. Oh, si tu vas reconnaître, Nicolas, tu vas voir. On écoute la troisième piste. Quatre boules de cuir tournent dans la lumière de ton œil électrique. Box, box, aux déesses de pierre. Quatre boules de cuir, mes poings contre les siens. Moi le jeune puncher, box, box. Lui le vieux Kid Marin. Kid Marin c'est un grand, et Dieu sait que je l'aime. Mais ses gants et mes gants ne pensent pas de même. Ô déesse de pierre, pour atteindre ton cœur, il n'est qu'une manière, box, box, box. Il faut être vainqueur. Quatre boules de cuir sur quatre pieds de guerre bombardent le plexus, box, box, l'angle du maxillaire. Quatre boules de cuir dans la cage du ring, son crochet je l'encaisse, box. Il esquive mon swing. Kid Marin, j'en ai marre de notre réunion. Je vais te faire voir qu'il est de et champion, box. Quatre boules de cuir et soudain deux qui roulent, répandant leur chapelle dans le cri de la foule. La joue sur le tapis, j'aperçois les chaussettes de l'arbitre là-haut. 4, 5, 6, 7, box. Enfant, je m'endormais sur des chaos de rêve, et c'est moi qu'on soutient. Et c'est moi qu'on soulève. Et voici les vestiaires, on débande mes mains. Kid Marin, viens me voir, ça ira mieux demain. Ô déesse de pierre, je prendrai ma revanche et j'aurai ton sourire, box, comme une maison blanche. Oui, j'aurai ton sourire, point final de mes points, même si dans les coins, box, box, j'y vois encore luire. Quatre boules de cuir, quatre boules de cuir. Box, box, box, box. Box, box, box, box, box, box, box, box, box. Et voilà, il vous a entendu, moi j'avais fait des recherches dessus. On en saura un petit peu plus, donc peut-être tout à l'heure, sur ça en fait. Donc, allez. Donc c'est quatre boules de cuir, bien sûr, Claude Nougaro. Et on parlait, allez, hors antenne, vous savez tout normalement de ce qui se dit, même hors antenne ici à Bulle de Rêve. On parlait en fait de, moi mon rêve c'est d'avoir... un meilleur acteur, meilleure actrice dans un festival de films d'animation. C'est-à-dire qu'on n'est pas, voilà. Alors, bon, évidemment, il y a Charlotte qui est encore un gobelin qui me dit pour l'acting. Et faudra ouvrir aux animaux aussi. Ouais. Meilleur personnage. Mais voilà, mes meilleurs personnages, par exemple, et d'avoir ce genre de choses et d'avoir et... Moi, je serais bien être nominée en meilleur personnage dans mon film. Ça serait pas mal. Ouais. Et Pink Waiga ou le Planet Z. Les deux. et Mokoy nous disait que Planet Z était en meilleur décor au lutin. Enfin, nominé, pour l'instant. Mais ce qui est bien, ce qui, à mon avis, c'est l'une des grandes problématiques. Je pense que l'année prochaine, à Bulle de Rêve... Tu vas t'en sortir. Si on continue Bulle de Rêve, si j'arrive à faire, mais non, si Bulle de Rêve, donc on réussit à... Voilà, tu m'as perdu avec ta question. Repartons à zéro. C'est vraiment cette inquiétude, moi, que... Enfin, pas une inquiétude que j'ai, mais un combat, on va dire, de se dire qu'il y a de plus en plus de gens dans l'animation, et on va le voir, et il y a de moins en moins. Il n'y a pas plus de place dans l'anime. Il faut savoir que, là, on vient de me le dire tout à l'heure, bah voilà, il y a de grandes chances qu'à Beaubourg, les après-midi des enfants s'arrêtent l'année prochaine, parce que, il n'y a pas d'argent. Donc voilà, on sait bien que le Forum des Images, ça s'arrête quasiment. Ils vont faire peut-être une fois par an l'événement toujours du Carrefour de l'Animation et puis de temps à autre, mais ça y est, tout le monde est passé. Yorin Einstein vient de passer. Alors, qui est invité maintenant? Enfin, c'est pas évident. Miyazaki est passé, Takahata, ils sont tous passés quasiment. Je manque meilleur, enfin bon. Donc, on a un grand problème aujourd'hui. Il y a de plus en plus de films diffusés sur Internet. Ça, il y en a des tonnes maintenant, mais on a du mal à avoir, voilà, à mon avis, à produire un peu plus.